Les morgues sont mauvais, veut pas me laisser briller. Hey. Veux être dans mon yacht sur la lagune et briller. Hey. Que des billets, que des billets, que des billets. Que des billets. Hey. Faut que j'ai le jet pour ne pas être envieux. Moi j'ai plus le temps, comme avant. J'suis occupé maintenant, je cherche l'argent. Moi j'ai plus le temps, comme avant. Maintenant je cherche l'argent. Il faut toujours se gamer, toujours se gamer, toujours se gamer. Je suis mes rêves depuis gamin. Il faut toujours se gamer, toujours se gamer. Il faut toujours se gamer. Je suis mes rêves depuis gamin. Moi je fais de la boue, je m'en fous de ceux qui disent. Je suis dans la Jeep et je bouge up avec Izzy. Souvent tard le soir je pense à mes futurs Willy. Ça crampit de liasse, je trouve ça super mimi. Je trouve ça super mimi, dès que j'ai vu c'est fini. Fume le bruit, je calme comme le marsupilami. Et ne touche pas mon cœur, je sors mon gun comme Bacalaï. Sur Big Boozy, t'as épicé, je rajoute un peu de pâte à l'ail. Moi j'ai plus le temps, comme avant. Maintenant je cherche l'argent. Moi j'ai plus le temps, comme avant. Je suis occupé maintenant, je cherche l'argent. Il faut toujours se gamer, toujours se gamer, toujours se gamer, toujours se gamer. Je suis mes rêves depuis gamin. Il faut toujours se gamer, toujours se gamer, il faut toujours se gamer. Je suis mes rêves depuis gamin. Giga de Cali. Merci beaucoup. Super Saiyan sans beaucoup. Je compte mon argent, c'est beaucoup. Sur le terrain comme Laurent Poco. Je deviens méchant, tu tapes. Je suis capable d'attaquer. Si tu deviens trop taquin, Icabato. Monte dans le navire, le bateau. Tout ça, ça va finir en beauté. Y'a personne qui viendra m'embêter. Faut persévérer sans t'aider. Faut souvent se montrer têtu. Devant les doigts, tais-toi. Dès que déjà, je suis dedans. Je suis dans les gigas de Cali. Hey, giga de Vaudi. Hey, je suis trop décalé. J'ai envie de vomir, elle m'envoie des messages. Est-ce que je peux venir? T'as pas d'argent de côté, t'es sans avenir. Dans le maquis c'est gâté, je te donne ça c'est cadeau. J'ai mis le couet dans sa cadeau. Et ses études au secondaire. Abidjan ici on se connaît. On sait qui sont nos collègues. T'es fâché en colère. Tu cherches le couloir. Je suis dans les gigas de Cali. Giga de Cali. J'suis dans les gigas de Cali. Giga de Cali. Je veux partir au Mali. Je suis dans les gigas de Cali. Je suis dans les gigas de Cala. Je suis dans les gigas de Cali. Giga de Cali. Je suis dans les gigas de Cali. Giga de Cali. J'ai tapé au Mali. Partir au Mali. Je suis dans les gigas de Cali. Giga de Cala. Je traîne avec mes mogos, mes pétons, mes skis, les ogos. Et ta braise est moquée. Serais tu senti mon moco? Viens pas jouer les agités. Si on t'a pas invité. Réunion de famille, t'as pas la parole, c'est que t'es piqué. En beurre, beurre, je suis vêtu. Tant de galère, j'ai vécu. Toujours dans ces ridagas, j'ai pas besoin de vos PQ. Si t'as insulté la Côte d'Ivoire, on va signer une pétition. La conspiration veut du son, concert, tournée, répétition. J'suis dans Giga de Cali, Giga de Cali, Giga de Cala. Il reste un pays fatal. Repose en paix, mon vieux Wata. Hey, Choubaouin, Shogun et Jazz et les parrains. Hey. Numéro 2 du rap ivoire, c'est moi Javeli en duplicata. Je suis dans les gigas de Cali, gigas de Cali, j'suis dans les gigas de Cali, gigas de Cali, j'suis tapé au Mali, je veux partir au Mali, j'suis dans les gigas de Cali, j'suis dans les gigas de Cala, j'suis dans les gigas de Cali, gigas de Cali, j'suis dans les gigas de Cali, gigas de Cali, j'suis tapé au Mali, partir au Mali, j'suis dans les gigas de Cali, gigas de Cala, gigas de Cala.